drapeau. Dans la pièce semble couler sur ma peau. Rouge, rouge, rouge, couleur du sang. Tout le long de mon corps déjà meurtri. Ambiance cassée dans cette piole. Le dénouement pourrait être tragique. Et j'écris noir, gérontocratie. Et j'écris noir, gérontocratie. Une grande erreur, c'est la dissidence. Rouge, rouge, rouge, couleur du sang. Coulera dans les rues, jour de vengeance. Une porte s'ouvre, verse mon sang. Ils sont là debout, matraque à la main. Je ne peux plus rien, tu te criais. Je ne peux plus rien, tu te j'ai pris noir, j'ai honte au passé. Et j'ai pris noir, j'ai honte au passé.